tu m'entendras au bout du monde. Même si tu ne le veux pas, tu m'entendras au bout du monde. Comme si j'étais près de toi. Qu'il pourra dépasser les océans. Qui sait si les oiseaux un jour ne te parleront pas. Côté. Tu m'entendras au bout du monde, même si tu ne le veux pas. Tu m'entendras au bout du monde, comme si j'étais près de toi. Au plus contrarier le destin, détourner un chagrin de son chemin. On peut ignorer la raison, mais jamais arrêter.